Abu Talib rassemble les Banu Hashim et les Banu al-Muttalib. En dépit des bouleversements heureux récemment intervenus, Abu Talib se sentait toujours préoccupé par la sécurité de son neveu. Il réfléchit aux incidents qui s'étaient déroulés. Les associateurs avaient menacé de le combattre, lui et son neveu. Ils lui avaient proposé de lui donner Omar, fils d'Al-Walid, s'il consentait à leur abandonner Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahl avait tenté de tuer le prophète, alayhi salatu wa sallam. Orqaba, fils d'Abu Mu'ayt, avait failli le faire et finalement Omar lui-même, avant sa conversion, y avait sérieusement songé. Ce sage comprit que toutes ces atteintes à l'intégrité du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient que divers aspects d'un complot global ourdi par les associateurs. Ces derniers étaient déterminés à violer la protection qu'il accordait à son neveu et à le tuer. Dans cette perspective, Abu Talib était persuadé que ni Omar, ni Hamza, ni personne d'autre ne pourrait faire quoi que ce soit si l'un des associateurs venait à attaquer subitement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour mettre un terme à ses jours. Les soupçons d'Abu Talib étaient fondés. En effet, les polythéistes avaient forgé un plan soigneusement étudié afin d'en finir avec le prophète alayhi salatu wa sallam et ils s'étaient unis pour le mener à bien. Il est fait référence à ce projet dans ce verset du Coran. « Ont-ils pris quelques décisions entre eux ?» Car c'est nous qui décidons. Sourate 43, verset 79, selon le sens du verset. C'est pourquoi Abu Talib rassembla ses parents des Banu Hashim et des Banu al-Muttalib, fils de Abd Manaf, et les exhorta à être tels des boucliers pour son neveu. À l'exception de son frère Abu Lahab, tous répondirent positivement, croyants et polythéistes confondus.